Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Ben, on va surveiller en fin de semaine hein, deux grosses activités pour les jeunes de Tolbeau-Missassini. D'abord, le bootcamp qui sera présenté au centre de ski, le demi-ski dans le secteur de Tolbeau. Et hier, on a parlé avec Richard Bellot, qui est le responsable pour le secteur de Tolbeau-Missassini du bootcamp. Et, on sait que ça va très, très bien, l'organisation. Ils ont apparemment que le centre de ski de demi-ski est très bien vu. Et il y a même des négociations qui sont en cours pour avoir une deuxième édition l'an prochain. Explique Richard Bellot. On est très bien perçu par les organisateurs de Just Run. On est même peut-être en négociation pour peut-être annoncer l'an prochain aussi. On est une équipe, ils nous trouvent une équipe formidable, dynamique, crinquée, puis, excusez-moi le terme, un peu fou sur les bords. C'est bien tant mieux, puis félicitations. Bello explique que ça prend une très grosse logistique organiser une telle activité. On est présentement à 90% du parcours de fait, des obstacles de montée. Okay. On travaille, depuis cette semaine, on travaille là, du matin de 8h jusqu'à 8h le soir avec une équipe de 12 personnes présentes. Mauvaise nouvelle pour les Marquis de Jonquière. Ils ont appris que Christian Ouellet ne sera pas de retour avec l'équipe l'an prochain. Christian Ouellet qui désire jouer en France dans une ligue de division 1. Ça, c'est la ligue juste en dessous de la ligue Magnus, qui est la ligue principale. Maintenant, on va parler de deck hockey avec des matchs, deux parties au programme hier à Saint-Prime. Les vétérans défaient le Wild Panther 6-5 et le Wonder Woman a défait le Mixpack 6-2. Balle lente à Robertval maintenant. Il y avait plusieurs parties encore au programme hier. D'abord, à noter que le Saint-Hubert, la victoire du Saint-Hubert hier contre Piastatourousel par le pointage de 16-14. Barre le Zodiac a défait Garma 11-6. Et Intersport a défait le Megavac 18-12. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec Bernard Barré du combat entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Également, je me suis entretenu aussi avec Dominique Golboud du deck hockey. Et on sait que c'est le défi Pierre Lavoie qui a lieu en fin de semaine. Et nos amis de CKJ, Michel Tifo et Pat Bouchard, se sont entretenus avec Pierre Lavoie. Donc, on vous présente quelques extraits. Sport local et régional, à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.